viennent sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echras, ischoras, ischomonaga monagaras, echras, ischoras, ischomonaga monagaras. Jouez, Digane, jouez pour moi avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echras, ischoras, ischomonaga monagaras. Echras, ischoras, ischomonaga monagaras. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore pour que je m'enivre. La la er, raz is choraz, is shamanaga managa, raz er, raz is choraz, is shamanaga managa, raz. Deux guitares en ma pensée, jette un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain et encore plus après-demain. La la la eh, la is shoraz, shamanaga managa, eh, la is shamanaga managa. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, eh, que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne. Eh, la is shoraz, shamanaga managa.